Master d'autres, il n'y a pas de Master d'autres. Non, bah, le Master, c'est un envoyé. Je t'ai dit ça. Oui, oui, non, c'est un envoyé. Ça sort. D'accord, c'est ce qu'on fait. Alors, les assignations pour qui ? Fin 3, fin 4, c'est bon. En plus, Morbi rentre en 3 et 4, tu l'as, c'est ça ? J'aime à suivre la nuit quand les sourires sont au vin et respire l'heure de ma vie endormie. J'aime quand la lune éclaire les néons pour croiser le regard perdu des filles ingénues. Solitude, multitude, essentielle ou superficielle, sous toutes les latitudes. La nuit est belle. C'était la bonne prise. La prise précédente, ça casse.